Chapitre 26. La tentation. À peine arrivés en Australie, les joueurs français sont accueillis par une petite troupe de supporters tricolores. Ça change du climat extérieur ressenti par les Bleus au Qatar. Malgré cela, ils avaient réussi à s'imposer. Le soutien australien va être primordial. Mais attention à ce que cela ne devienne pas un poids négatif. Autre risque, l'excès de confiance des joueurs. On a vu, il y a plusieurs décennies, des générations de joueurs pourris gâtés. Formés au football business, ne jouant que pour l'argent, ils ont peu à peu fait chuter l'équipe de France. Même si la présence des Bleus en demi est un joli exploit, ils ont les capacités d'aller plus loin. Mais il ne faut pas se voir trop beau. Héroïque face au Qatar, Faitson a su montrer toutes ses capacités. Il est au-dessus du lot, ce qui cause quelques jalousies au sein de l'effectif tricolore. L'équipe de France n'avait pas besoin de cela, surtout que l'attitude adoptée depuis leur qualification miraculeuse au Mondial a été remarquable. Si l'excès de confiance et la jalousie venaient à se mêler à la meute, la France n'est pas prête de s'envoler pour Mars. Surtout que Faitson a reçu un appel de son club. Pour l'encourager, oui, mais pas que. Le club français de Marseille a reçu une offre astronomique d'un énorme championnat international. En effet, Faitson a été listé dans les potentiels draftés de la Japan Masters League. Le Japon tente de déstabiliser les Français en offrant une éventuelle place dans une grande franchise. Faitson sera-t-il tenté de lever le pied face au pays de son éventuel futur club? Autre interrogation. Faitson veut-il vraiment quitter son pays? La convocation a été acceptée par son club, il ne reste plus que l'aval du joueur. La date de rassemblement est le 27 février 2050, lendemain de la finale du Mondial sur Mars. Si Faitson venait à accepter la convocation et que la France venait à battre le Japon, il devra faire une croix sur la finale, sur le match historique sur Mars. Il doit donner sa réponse avant le match face au Japon. Chapitre 27. Choix cornélien. Les compositions des équipes seront connues demain. Les 16 joueurs français n'ont qu'une envie, faire partie du 11 qui a rendez-vous avec l'histoire. Les décideurs français hésitent à aligner Faitson. Ils ont peur du sabotage et ont du mal à faire confiance à un joueur qui pourrait succomber à l'appel de l'argent en laissant son futur employeur gagner. Mais son apport fut tellement énorme face au Qatar et la Russie qu'il sera très difficile de s'en passer pour arracher le ticket pour l'espace. Le Japon a réussi à mettre une sacrée pagaille dans le groupe France. Faitson va avoir un énorme choix à faire, entre rester dans son club, rester amateur, ou faire du football son métier. Une autre solution serait que le club amateur français s'aligne et offre un contrat professionnel à sa nouvelle star. Devant la concurrence japonaise, cette solution semble impossible. À moins que... Une rumeur court en Australie. La eSports Fédération pourrait donner un petit coup de pouce à l'Hexagone. Pour le géant du sport, il est inconcevable que les deux nations qui iront sur Mars soient de vulgaires amateurs. Soit la eSports Fédération aide le Japon en ne donnant aucune chance à la France via un arbitre qui a choisi son camp, une composition modifiée, ou encore des intimidations. Soit la eSports Fédération fait en sorte de donner du grade à la France. Alors que la Russie voit de plus en plus ses chances de créer un gros championnat qui ferait le poids face aux Asiatiques s'éloigner, la licence championnat majeur pourrait être attribuée à la France. Mais encore faut-il trouver des investisseurs pour fonder des franchises en France. Les derniers bruits disent que la eSports Fédération a apprécié la façon dont les Bleus se sont débarrassés des corrompus russes et pourraient se ranger du côté français afin d'avoir un deuxième gros continent footballistique. L'Asie serait la grande scène mondiale, la France le centre de formation et les États-Unis le siège de la fédération. En attendant d'aller conquérir d'autres planètes. Le choix de Faitson est de plus en plus difficile à faire. Chapitre 28. Favori des stats. Après tout ce remue-ménage, la vie doit continuer. Avant de faire des plans sur la comète, les Bleus doivent gagner. Pour cela, les supporters français ont annoncé les 11 titulaires pour cette rencontre historique. La composition est sans trop de surprises, mais il fallait se méfier après le buzz de Faitson. Le site de la FFF a sorti une statistique assez étonnante. Les 15% des votants venaient d'Australie. Le territoire français est représenté à hauteur de 60%. Le reste se partage entre la Belgique, la Suisse ou encore l'Espagne. Les 11 joueurs sont donc Killer Crush 23, pour gagner 02, Coca, Riti 34-02, Nabir 69, Faitson, Wolf 75, Grid 71, Eric BH, Deal 48 et Moon Forever. Mauvaise nouvelle pour Benoît, Delpino 50, Blancbag, Le Chapeau et Zumbida, qui sont donc sur le banc de touche. Ils auront peut-être l'occasion d'entrer en jeu, à condition d'empocher un maximum de bonus pendant la rencontre. Malgré la suprématie japonaise ces dernières années, comparée à l'équipe de France, une statistique est plus étonnante. La France ne s'est inclinée face aux samouraïs bleus qu'à une seule reprise. La première rencontre entre les deux équipes date à 1994. La France l'avait emportée sur le score de 4-1 et remportait ainsi la Coupe Kirin. Leur seul revers avait été enregistré en 2012, en match amical. C'était ainsi la première défaite de l'ère Didier Deschamps, concédée quelques jours avant leur rencontre face à l'Espagne, en éliminatoire pour le Mondial 2014. Match nul 1-1. Tout cela ne nous rajeunit pas. En 8 rencontres, la France a gagné 4 fois et perdu qu'une fois. Les 3 autres rencontres s'étaient terminées par des matchs nuls, en 2000, 2022 et 2025. La dernière victoire remonte au 20 juin 2003, avec un succès 2-1, dans le cadre de la Coupe des Confédérations. Et puisque nous sommes au rayon statistique, la France ne s'est jamais inclinée sur le sol australien. La seule défaite française, face aux Saucers Rousses, avait été concédée en Corée du Sud en 2001. Mais il y a un début à tout, et comme nous parlons de début, le match entre la France et le Japon, comptant pour les demi-finales au Mondial 2050, va pouvoir commencer dès demain, en direct de Canberra. Après cette rencontre, nous saurons quel sera le premier qualifié pour la finale historique disputée sur le sol martien. La pression est énorme, surtout que malgré le coup avec Faitson, le Japon s'est effacé et a laissé la France prendre la confiance. Stratégie gagnante pour le pays du soleil levant. Chapitre 29. À armes égales. La pression se fait ressentir dès le coup d'envoi du match. Les Bleus jouent aujourd'hui en blanc, comme face à la Russie, alors que les Japonais abordent leur tunique, passant de bleu à rouge toutes les 10 minutes. Habituellement, leur tunique passait également au blanc, avec le soleil rouge de leur drapeau en plein milieu, lorsqu'ils sont en action offensive. Confrontés à la couleur du maillot extérieur des Français, ils ont opté pour le maillot alternatif par période de 10 minutes. Le stade de Canberra est plein à craquer et est acquis à la cause des Français. Ça chante de partout à la gloire de l'équipe de France. Ça fait plaisir à tout le monde de revoir un engouement pareil devant le coq qui revit. Nous avons ce soir l'hybride entre un coq et un kangourou. Sur le terrain, c'est très équilibré. Le Japon résiste aux assauts français et vice-versa. Une seule erreur peut faire basculer le match, mais pour le moment, il n'y a aucune faille dans la rencontre. C'est du très beau football. La France, le paysan du mondial, fait jeu égal avec le membre du Big 8 japonais. Le nouveau gardien, Killer Crush 23, Faitson a été remplacé au poste de milieu axial, réalise une bonne rencontre. Il sait être là où il faut. On sent que ça va bouger, car la première demi-heure fait office de ronde d'observation où chacun teste les limites de l'autre. Alors que les observateurs présents au stade suivaient également l'autre demi-finale entre la Chine et l'Inde, on observe une coupure des écrans. Le stade de Canberra voit ici un gros bug qui pourrait déplaire à la eSports Fédération et qui sera fatal dans le choix de l'attribution du futur pays hôte des EA Games. Sans penser à tout cela, ça va apporter un peu de suspense, car nous connaîtrons l'autre finaliste un peu plus tard, et sans suivre l'évolution de la rencontre du voisin. Il était inimaginable, de la part de la MIFA à l'époque, de faire jouer deux demi-finales de Coupe du Monde en même temps, au nom des diffuseurs TV. Aujourd'hui, ce n'est plus un problème. Tout le monde peut suivre en direct à la télé, sur Internet, sur smartphone, les deux matchs en même temps. La eSports Fédération est son seul diffuseur. La seule somme d'argent extérieur qui entre est versée par les publicitaires. Sur le terrain, les deux équipes sont à égalité 0-0 à la mi-temps. Les 22 acteurs auront 45 minutes pour qualifier leur nation pour la finale du Mondial 2050 et les envoyer sur Mars. Riti 34-02 et Grid 71 sont remuants, mais la défense menée par Eric BH semble quelque peu fébrile. Il faudra mettre les bouchées doubles pour espérer bouger les samouraïs. Chapitre 30. Un air de déjà-vu. Durant la pause, les réseaux sociaux observent que la France ne fait pas un bloc compact face au Japon. Il y a d'énormes espaces laissés aux avant-nippons. Wolf 75 propose un pressing haut à ses coéquipiers et fait remarquer à Eric BH qu'il défend trop bas. Ce dernier n'est pas habitué au jeu de couloir et préfère l'axe. Il n'aura pas le choix d'exécuter le placement que les internautes français ont décidé pour lui, mais il devrait rester vigilant sur son placement. La seconde période peut débuter et le Japon accélère la cadence. On n'a pas repris depuis une minute que les attaquants japonais sont menaçants. L'avant-centre est lancé à la limite du hors, se présente face à Killer Crush 23 et fait trembler les filets. La défense française s'était arrêtée de jouer, pensant au hors-jeu, mais en revoyant les images, Eric Béa était resté une nouvelle fois trop bas, ne s'alignant pas à ses coéquipiers. S'il l'avait fait, le but aurait été refusé pour une position de hors-jeu. Une rafale de malus s'abat sur le défenseur français. Il sait qu'au prochain arrêt de jeu, il pourrait laisser sa place. Il tente alors le tout pour le tout. Eric BH monte aux avant-postes avec le ballon, joue un 1-2 avec Coca et rentre dans la surface. Eric BH se déchire sur sa frappe, mais sur un énorme malentendu, le ballon frôle le gant du gardien japonais et part tout doucement au fond du filet. Une minute après avoir causé l'ouverture du score de l'adversaire, Eric BH égalise. La tendance se retourne sur les réseaux sociaux et son changement est annulé. La partie est relancée. À l'heure de jeu, les Japonais continuent le pressing, et après une action offensive qui n'aboutit pas, on voit que ça se chauffe sur le terrain. Un milieu de terrain japonais échange quelques mots avec Faitson. Le Français ne contrôle pas ses nerfs, aveuglé par l'enjeu, et met une gifle à son adversaire. L'arbitre a tout vu et décide d'expulser Faitson. La France va terminer la rencontre à 10 contre 11, alors qu'ils ont 30 minutes pour aller chercher la qualification. Quel que soit le résultat de ce soir, Faitson n'ira pas sur Mars. Coïncidence? Lui qui était contacté par la Japan Masters League. Pour pallier l'absence de Faitson, les Français font sortir l'attaquant Grid 71 pour faire entrer le milieu offensif Blanc-Bague. Ils vont terminer la rencontre en 4-4-1 avec un milieu en losange. Malgré l'infériorité numérique, les Français tiennent le coup. Eric BH, encore lui, tient bien son couloir. Il a oublié ses complexes et se place bien. Il est remué en devant et tient bien le placement défensif. C'est justement lui qui va porter une grosse offensive avec un centre tendu sur la tête de Riti 34-02. Mais son ballon part en dehors du cadre, en passant par la case, claquette du gardien japonais.